Je m'en fous bien de n'être rien parmi ces larmes qu'un jouet qui parle. Je m'en fous bien qu'elle ne soit rien à ce qu'il semble qui me ressemble. Angèle, le ciel est bleu, ta mère est belle, très belle. Angèle, le ciel est bleu, ta mère est belle, si belle. Pas une goutte de mon sang n'est dans le sien. Je m'en fous bien. Elle fait ma pluie et mon beau temps. Dans sa vie je suis un passant. Ta mère est belle, très belle. Angèle, le ciel est bleu. Ta mère est belle, si belle. C'est dans les roses qu'on trouve toutes les petites filles. Ça c'est facile, oui mais il faut trouver la rose. Ça c'est le ciel est bleu, ta mère est belle, très belle. Angèle, le ciel est bleu, ta mère est belle. Elle se fout bien des lendemains. Elle sait à peine dire je t'aime. Je m'en fous bien de n'être rien parmi ces larmes que jouait qui parle.